même pas ce que j'envisage. J'suis sur le bon chemin, mais encore loin du rivage. J'suis sur le bon chemin, faut juste que je prenne le bon virage. On va l'air du copinage, les conneries, j'ai plus l'âge. Jeune négro du village, j'ai les gros, j'ai les dents longues. C'est noir, j'peux briller dans l'ombre. Tu croises mon regard, il est sombre, car c'est le reflet de mes songes. Très souvent quand je suis seul, souvent je pense j'ai le seul. Il me faut des sous, des sommes, je me barre sous le seul. Car très souvent quand je suis seul, chaque fois que je pense j'ai le seul. Il me faut des sous, des sommes, je me barre sous le seul. Pour alléger ma peine, pour alléger ma haine. Je m'allume chaque semaine, c'est ça la vie que je mène. Pour alléger ma peine, pour alléger ma haine. Je défonce chaque semaine, c'est ça la vie que je mène. Tu peux lire tout le seum sur mon visage. J'en ai trop vu, j'ai besoin de changer de paysage. Toujours les mêmes rageux qui me dévisagent. Décollage, plane, j'pense pas à l'atterrissage. Faudrait que je sois un peu plus sage. Toujours dans le vrai sans trucage. Je me mets à faire d'oseille. Et puis que j'en fasse bon usage. On parle pas d'amour, à quoi ça sert. Désolé, mon cœur bat que pour ta chair. J'mets déjà beaucoup de cœur dans mes affaires. Tout ira mieux, j'attends de voir. En attendant souvent le soir. Je suis réfugié dans le noir, je parle avec mon reflet dans le miroir. Et pour soigner les traumatismes, j'ai déjà mes automatismes. Alors je m'allume à la zèbre toute la semaine.